Déçu par son expérience de courtisan à Versailles, sous Louis XV, monarque absolu de droit divin, Voltaire fait paraître en 1747 Zadig, le premier de ses célèbres contes. Zadig ou la destinée, histoire orientale. Épître dédicatoire de Zadig à la sultane Shiraa par Sadi. Le 18 du mois de Cheval, l'an 837 de l'Égir. Charme des prunelles, tourment des cœurs, lumière de l'esprit, je ne baise point la poussière de vos pieds parce que vous ne marchez guère ou que vous marchez sur des tapis d'Iran ou sur des roses. Je vous offre la traduction d'un livre d'un ancien sage qui, ayant le bonheur de n'avoir rien à faire, eut celui de s'amuser à écrire l'histoire de Zadig, ouvrage qui dit plus qu'il ne semble dire. Je vous prie de le lire et d'en juger. Je prie les vertus célestes que vos plaisirs soient sans mélange, votre beauté durable et votre bonheur sans fin. Sadie.